On met un gant. Il faut qu'on bêta direct aussi d'abord. Ça va pas régler, non? Ouais, non, non. Si on veut tout régler, on bêta malida, non? Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. J'oublie pas mes racines, Renoir, car je suis fier d'être africain. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. J'oublie pas mes origines, Renoir, car je suis fier d'être malien. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Aïe, je sais qui je suis, je sais d'où je viens. J'oublie pas mes racines, Renoir, car je suis fier d'être africain. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. J'oublie pas mes origines, Renoir, car je suis fier d'être malien. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. C'est clair que je suis fier d'être africain, d'où je suis originaire du Mali. En passant par Bamako, Sékou, Sikasso, Mopti et Kayi. Car j'ai le cœur sur la main et l'autre sur ma ville. Alors laisse-moi donner ma vision des choses que je vois en dehors de ma télévision. Sur ma vie, n'y a pas de nouvelle génération pour défendre notre cause. La faute à qui, à ton avis? Ne t'en fais pas, mon combat connaît pas de pause. Tant que je serai en vie, en mode survie, je reste fort et fier de nos passés. Regarde un peu l'image qu'ils nous donnent à nos sœurs et à nos frères. J'en ai plus qu'assez. Ils pensent qu'on devrait tous se casser ou vivre tous cachés, à bouffer des cachets. Mais nos parents ont fait des sacrifices et des kilomètres, c'est pas pour tout gâcher. Tiens, je t'envoie ma version par correspondance. Je suis là en mission, mais cette fois-ci c'est pas pour qu'on danse. Mes pensées en un couplet, elles viennent du cœur, elles transpirent la sincérité. Faites-moi confiance, en réalité, je pense qu'ils veulent pas connaître la vérité. Pas de chance, peur de notre peau, je crois bien que c'est ça qui leur fait hésiter. Eh oui, je crois bien, c'est ça qui leur fait hésiter. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. J'oublie pas mes racines, Renoir, car je suis fier d'être africain. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. J'oublie pas mes origines, Renoir, car je suis fier d'être malien. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Aïe, je sais qui je suis, je sais d'où je viens. J'oublie pas mes racines, Renoir, car je suis fier d'être africain. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. J'oublie pas mes origines, Renoir, car je suis fier d'être malien. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Eh oui, je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Aïe, je sais qui je suis, je sais d'où je viens. J'oublie pas mes origines, Guadata, le Mali, négro. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. J'oublie pas mes racines, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Je sais qui je suis, j'ai d'où je viens. Hey, ouais. J'ai qui je suis, j'ai d'où je viens. Aïe, j'ai qui je suis, j'ai d'où je viens. J'oublie pas mes origines, Guadata, le Mali. J'ai qui je suis, j'ai d'où je viens. J'oublie pas mes racines, Sénégal, Côte d'Ivoire, et tu le sais. J'ai qui je suis, j'ai d'où je viens. Eh ouais, gros, j'ai qui je suis, j'ai d'où je viens. N'oublie pas, j'ai qui je suis, j'ai d'où je viens. J'oublie pas mes origines, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. J'ai qui je suis, j'ai d'où je viens. J'oublie pas mes racines, le Congo, le Cameroun, le Gabon. J'oublie pas mes origines. J'oublie pas mes racines. J'oublie pas mes origines. J'oublie pas mes racines.